J'attends pas le feu pour brandir la bannière, franchir les barrières. Si entre nous l'écart se creuse, c'est pour enterrer ta carrière. Je suis ni magicien, ni chirurgien, mais quand je prends le micro, la magie opère. Les ragots, une dent contre moi, dis-leur que j'ai une mâchoire entière. Les histoires qui tombent par l'eau me poussent à pêcher. On grandit de ses erreurs, aujourd'hui trop haut, je suis perché. À force gratter, des textes, j'en ai la peau irritée. Garde mes amis près de moi et mes ennemis encore plus près. Dis-moi où tu saignes, je te dirai qui t'a poignardé à peu près. Fume pas de clope, t'as deux poumons. Fume la weed, des neurones, oui mon pote t'en as des millions. J'capte mieux les ondes des frères qu'une parabole. Rien qu'on fait mieux mais je vous emmerde. On les baise, on les brise, on les brûle, ceux qui n'ont pas de parole. 21 décembre 2012, les Mayas l'avaient prédit. C'est logique cousin, mon album sera de sortie. Fais la passe que je te la mette en profondeur. Les MC m'appellent pour des filles tombent sur mon répondeur. Je m'aperçois que l'argent c'est l'enfer et pour certains le paradis. Mais dis-moi comment faire pour être bien quand t'as pas un radis. À force de se faire baiser, Cupidon est en cavale car il sait que l'amour est recherché. Derrière lui laisse des cadavres, il a plus de flèches mais un gun chargé. Thé à la menthe, chicha à la menthe, un stylo, une feuille, je vous mets tous à l'amende. Je crois plus au coup de foudre, l'amour est mort, t'es pas au courant. Ils veulent me noyer dans le ciment, je préfère doigter la prise de courant. Thé à la menthe, chicha à la menthe, un stylo, une feuille, je vous mets tous à l'amende. Je crois plus au coup de foudre, l'amour est mort, t'es pas au courant. Ils veulent de v'là les keufs, faut se barrer en courant. Dealers que les rappeurs ne sont pas tous ex-dollars. Aussi vrai que tous les dealers ne deviennent pas tous escobar. Rien à foutre du code pénal. Moi et mes potes, on applique le code pénard. Pendant plusieurs années, mon stylo était mon meilleur ami. Il faisait des hémorragies d'encre pour que naisse ma poésie. Pas besoin d'un gros gamos pour prouver ma richesse. Celle que j'ai dans le cœur suffit même si en ce moment c'est la dèche. Y'en a qui écrivent avec le cœur, d'autres pour l'argent. Certains méritent l'honneur, d'autres ne cherchent qu'à plaire aux gens. Franchement y'a pas grand chose qui me fait peur. Y'a que quand je mets un briquet près de mon torse que j'ai chaud au cœur. Ok man, J.O.P pour un braquage auditif à la marocaine. Mais pas de yes weekend, yes un busy man, on te voit ce weekend. Persévère, mais le bonheur ne se résume pas quand une liasse de pied est vert. A force de bouffer le goutron, on va finir par chier des pierres. Mon frère comme celui de la pub, on ça devient le paradis sur terre. Et à la menthe, chicha à la menthe, un stylo, une feuille, je vous mets tous à l'amende. Je crois plus au coup de foudre, l'amour est mort, t'es pas au courant. Ils veulent me noyer dans le ciment, je préfère doigter la prise de courant. Et à la menthe, chicha à la menthe, un stylo, une feuille, je vous mets tous à l'amende. Je crois plus au coup de foudre, l'amour est mort, t'es pas au courant. Ils veulent de v'là les keufs, faut se barrer en courant.